L'Association de mesure des droits de l'homme en Corée du Sud a publié le 23 l'information sur l'enquête de la violation des droits de l'homme en Corée du Sud de 2016, relativement au fait que cette année en Corée du Sud, des crimes contre l'humanité et les droits de l'homme surviennent successivement à l'étonnement du monde. L'information indique qu'en 2016, des crimes de violation des droits de l'homme sans précédent sont commis de façon organisationnelle, systématique et sans discrimination à cause de la bande des traîtres sud-coréens trempés jusqu'à la moelle de la servilité pro-américaine et pro-japonaise et de la confrontation fratricide et habitués au luxe, à la débauche et à la fraude politique. Sous les sous-titres comme « L'enlèvement collectif a terrifié les gens du monde », la disposition de Saad foule aux pieds sans merci le berceau de la vie, crime contre les droits de l'homme scélérat précipitant la vie de la population à l'état catastrophique, la mort du paysan Peng Nam-gi produite par la violence fasciste, le désastre par le bactéricide, l'humidicateur a engendré la panique de mort, l'incident de la liste noire accusé de la version moderne de l'affaire d'incinération des livres et inhumation des confucianistes vivants chinois, les maltraitements des enfants ont déclaré la mort de l'avenir, actes contre les droits de l'homme au sein de l'armée sud-coréenne livrée sous couvert de la culture de caserne développée, l'annulation du crime d'esclavage sexuel de l'armée japonaise a suscité l'indignation de toute la nation, et campagne odieuse d'élaboration de la loi des droits de l'homme au nord des criminels des droits de l'homme. L'information énumère 10 crimes commis en 2016 par la bande des traîtres guidée par Pakonnet.